Chapitre 2e. Le lendemain, vers les 5h30 du matin, Bibert gravissait d'un pas déterminé l'escalier de la maison où Langlade avait dû passer la nuit, dans la rue Croix des Petits Champs. Après avoir inutilement cherché un cordon de sonnette à la porte qu'on lui avait désigné, il frappa résolument. « Qui va là ? » cria-t-on de l'intérieur de l'appartement. « Un mouchard qui vient t'arrêter, » répondit l'agent de police. « Farceur, » reprit la voix. « Si tu étais un mouchard, tu ne le dirais pas. Ils prennent plus de précautions que cela, avant de se frotter à moi. C'est toi, n'est-ce pas, crampin ? Eh oui, ouvre donc. C'est dur de sortir de son lit, mais pour un ami, on peut se refroidir. J'ouvre et je me recouche. » À peine les verrous furent-ils ôtés et la clé eut-elle tournée dans la serrure, que Vibert, qui se tenait près de la porte, la poussa vivement, se précipita dans la chambre, fit un bond vers le lit, s'empara d'un pistolet à deux coups chargé et armé qui se trouvait sur la table de nuit, et le dirigeant vers Langlade, « Si tu fais un pas, tu es mort. »« Mille tonnerres !» vociféra le forçat. « C'est un mouchard. »« Te l'ai-je pas dit, imbécile ? Allons, tu es pris, rends-toi. »« Me rendre ? Jamais !» s'écria Langlade exaspéré. « Je préfère te dévorer, canaille. Tu as mon pistolet. Mais j'ai une rude poigne et des dents qui coupent comme de l'acier. »« Bon, » répondit tranquillement Vibert. Pour t'en servir, il faudra pouvoir m'atteindre, et si tu avances, je t'étends par terre. » Et la main droite levée, le pistolet à la hauteur de l'œil comme s'il lui était dans un tir, en face d'une poupée de plâtre, il s'assit paisiblement sur le lit que venait de quitter Langlade. À quatre pas de lui, le forçat, à moitié nu, écumait de rage, mais n'osait avancer. Ils se regardèrent un instant, l'un prêt à bondir, l'autre prêt à faire feu. Vibert reprit la parole. « Eh bien, tu as renoncé à me dévorer. C'est dommage, je désirais une mort originale. Il faut avouer que tu es un crâne luron, pour avoir osé t'introduire ici. » s'écria tout à coup Langlade, redevenu plus maître de lui, et cherchant des yeux un objet dont il put se faire une arme. « Bon, » répliqua Vibert, « on te croit plus terrible que tu n'es. Voyons, ne te remue donc pas comme ça. Tu vas me forcer à te casser une patte pour te clouer à ta place. Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tes pantoufles peut-être, tu as froid aux pieds. Tiens, les voilà, je suis un bon diable, mais je ne veux pas que tu t'enrhumes. » Et toujours sur ses gardes, il ramassa de la main gauche une paire de souliers qui se trouvait au pied du lit et la jeta au forçat. « Merci, » dit Langlade, à qui toute son assurance habituelle revenait. « On est plus solide sur ses jambes avec des souliers. Parbleu, c'est pourquoi je te donne les tiens. Est-ce qu'il ne te serait pas agréable aussi d'avoir ton pantalon, ton gilet, ta redingote ? « Ne te gêne pas, tu sais, je les ai là, sous la main. »« Si tu y consens, je ne demande pas mieux, » répondit le forçat, étonné de tant d'aménité. Le pantalon, le gilet et la redingote, envoyés de la même façon et avec les mêmes précautions, vinrent rejoindre la chaussure. « Sans indiscrétion, que comptes-tu faire lorsque tu seras habillé ?» demanda Vibert, tandis que Langlade passait à la hâte ses vêtements. « Mais je ne sais pas trop encore, je réfléchis. Je ne suis pas entièrement décidé. » « Je crois que je sauterai sur toi, s'il n'y avait pas ton diable de pistolet qui me gêne un peu. »« Est-ce que tu le voudrais aussi ?»« Je le voudrais, mais... »« Mais tu crains que je ne préfère le garder ? » ?»« On ne sait pas. »« Voyons, si je te le rendais, qu'en ferais-tu »« Je m'en servirais pour te tuer, parbleu. »« Belle question !» répondit le forçat en levant les épaules. « Bien sûr ?» demanda l'agent de police. « Bien sûr. D'un seul coup ?»« D'un seul coup, je viserai au cœur. » « Eh bien, vise à ton aise, mon ami. Tiens, voilà ton pistolet. » Vibert quitta sa place, marcha vers Langlade, lui remit le pistolet, lui tourna le dos et alla se rasseoir tranquillement sur le lit en se croisant les bras et en disant « J'attends. »« Mais tu n'es pas un mouchard, » s'écria le forçat tout interdit. « Ingrat, » répondit Vibert, « je suis gentil pour toi, je te traite comme un fils et tu refuses de me donner mes titres et qualités. » « Tu es un vrai mouchard. » « Et parbleu, que veux-tu que je sois ? » ?»« Un pair de France, peut-être ? » ?»« Pas si bête, il s'ennuie trop. J'en connais un qui avale sa langue toute la journée. Je suis un mouchard, un vrai. Tiens, regarde. J'ai dans ma poche les principaux attributs de ma profession, des menottes. C'est du reste tout ce que j'ai pris pour venir te voir. J'ai même laissé ma canne à épée chez moi. » « Tu es un fier toupet. » « Tu te répètes, mon cher Langlade, » dit Vibert en se retournant sur le lit du côté de la muraille. Tu as déjà fait cette remarque. Et tu crois tout bonnement que je vais me laisser mettre les menottes ? » demanda le forçat. Tu vas, répondit Vibert, ou bien me tuer, ou bien te laisser mettre les menottes. Entre nous, tu peux choisir, cela m'est complètement indifférent, mais choisis, je l'exige. Tu ne tiens donc pas à la vie, toi. Cette bêtise, serais-je venu te réveiller ce matin si j'avais tenu à la vie, et toi, y tiens-tu? Mais un peu, en ce moment. Je suis aimé. Tu es aimé, vraiment. Tu as de la chance, toi. Mais oui, fit le forçat en se rengorgeant. Bibert prit son pince-nez vert, lorgna et dit « Au fait, ton père et ta mère n'ont pas lésiné en te mettant au monde. Ils t'ont donné la bonne mesure. Tu tiens de la place. Je comprends que les femmes t'adorent. Elles ont si mauvais goût. » Puis tout à coup, tournant le dos à Langlade et changeant de ton, « Il fait un peu froid chez toi. Tu as oublié d'allumer ton feu. Si nous partions, on nous attend. Où ? À la conciergerie. C'est dans cet établissement, je crois, que tu te trouveras le mieux. » Tu seras d'abord tout arrivé pour être interrogé demain. Oh, sois tranquille. En ta qualité de cheval de retour, on aura des égards pour toi. On ne te mettra pas avec la petite pègre. Tu obtiendras une cellule, je m'y engage. Tu te fouches de moi, hein ? Cria Langlade. Ne crie pas si fort, tu vas réveiller les voisins. Il n'est que 6 heures. Le coup de pistolet que je vais te tirer en pleine poitrine les réveillera bien davantage. Laisse-moi donc tranquille. Tu menaces toujours et tu ne fais rien, c'est ennuyeux. Répliqua l'agent de police en s'étendant cette fois tout le long sur le lit du forçat. Langlade fit un bond vers le lit et dirigea son pistolet sur la poitrine de Vibert. Celui-ci murmura un nom, regarda fixement Langlade et attendit. Il était impossible que ce colosse, dont la colère doublait encore les forces, n'eût pas facilement raison de ce petit homme grêle, maladif et désarmé. Près d'une minute s'écoula, puis le forçat baissa les yeux, laissa retomber son pistolet et se recula en s'écriant. « Mille tonnerres, je n'ose pas le tuer. »« Allons, » dit Vibert en se relevant. « Je n'y dois plus compter, il faut que je souffre encore. »« Tu es donc malheureux, toi ?» demanda Langlade qui se rapprocha. « Comme les pierres d'une prison. Si malheureux que je changerai ma place de mouchard contre ta place de forçat qui va retourner au bagne. Ah, si tu voulais faire ce troc-là, tu me rendrais un crâne service. Mais je ne suis pas venu ici pour te conter mes petites douleurs. Cette fois, rien ne retient plus, partons. » Par si tu veux, je ne te tuerai pas, moi je reste. Ce n'est pas possible, mon cher Langlade, répliqua Vibert, à qui sa bonne humeur revenait peu à peu. J'ai juré de t'amener. Voyons, ne fais pas tant de manières. Tu es un bon garçon, moi aussi. Tâchons de nous entendre et le plus vite possible. Tu as pour maîtresse, n'est-ce pas? Une grande fille rousse, appelée Stéphanie Cornu, et surnommée Soleil Couchant. Comment sais-tu cela? Est-ce que nous ne savons pas tout, nous autres? C'est notre métier. D'être bien renseigné. Du reste, si tu veux absolument des détails, je te dirai, car je ne sais rien te refuser, grand enfant, que c'est Soleil Couchant elle-même qui nous a appris où tu devais coucher cette nuit. C'est faux ! Hurla Langlade. C'est vrai, te dis-je. Si ce n'était pas vrai, je ne m'amuserais pas à te faire de la peine inutilement. Je respecte les affaires de cœur, moi, et je regarde comme une lâcheté de dire à un homme que sa maîtresse le trahit lorsqu'elle ne le trahit pas. Il serait moins cruel de lui donner un coup de couteau. « Ah, tu as bien raison, » dit le colosse, dont le visage avait depuis un instant changé d'expression. « Plutôt que d'apprendre cette trahison, j'aurais préféré un coup de couteau. »« Tu n'es pas difficile, » répliqua Vibert en poussant un profond soupir. Tout à coup, Langlade se dressa devant l'agent de police et lui mettant le pistolet contre la poitrine. « Ainsi, tu me jures que Soleil Couchant m'a trahi ? » demanda-t-il. « Je te le jure, » répondit Vibert sans s'émouvoir. Le forçat le regarda et dit en s'éloignant « Tu ne dois pas mentir, toi, tu es trop brave. » Il se laissa tomber sur une chaise, les bras étendus le long du corps et on l'entendit murmurer. « C'est donc pour cela que je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Ah, la misérable. Je l'aimais bien, cependant. C'est tout ce que j'aimais sur la terre. » Et tournant du côté de Vibert, son visage inondé de larmes. « Je me rends, tu peux me mettre les menottes. Pour qui me prends-tu ? » fit l'agent de police. « Profitez de ta faiblesse. Jamais, lorsque tu seras plus calme, nous verrons. » Le colosse, dans un coin, sanglotait comme un enfant. Vibert se promenait de long en large en murmurant. « Il est bien heureux de pouvoir pleurer, lui. Moi, je ne puis pas. Mes larmes m'étouffent. » Au bout d'un instant, il marcha vers Langlade, lui frappa sur l'épaule et lui dit « Allons, viens avec moi. Je vais te faire voir Soleil Couchant. » Le forçat se redressa de toute sa hauteur. « Tu sais donc où la trouver ? » s'écria-t-il. « Parbleu, elle est depuis hier au dépôt. La peur s'est emparée d'elle, elle s'est vue compromise dans de méchantes affaires, perdue, emprisonnée pour le reste de sa vie, elle t'a livré afin d'obtenir les bonnes grâces de la préfecture. La canaille! Et tu offres de me conduire auprès d'elle, tout de suite. Mais je la tuerai. Ça te regarde. Je me suis simplement chargé de t'arrêter, et tu te trouveras tout arrêté lorsque tu seras au dépôt. S'il te plaît donc de tuer sur les couchants, je ne m'y oppose pas. Une femme de plus ou de moins, ce n'est pas une bien grosse affaire, ajouta dédaigneusement Bibert. Je suis prêt. Partons, s'écria le forçat. Partons, dit l'agent de police.